je suis qui t'a envoyé, le Dieu de leur repère. Les lois à Kanisi Alliance, Asalana Yakobo, Asalana Isaac, les lois à Bassante, Utabala Yama. Alliance na Salina Tata, Zambé Abako Konanga. Alliance na nzambe nangai, e uton avance très nanga, de lo ezali nanga, lobi na banan nanga. Como